Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, un thème de circonstance puisque nous allons justement évoquer l'instant présent. Une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. Alors bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'instant présent. Alors, vivre l'instant présent ici et maintenant, ces termes sont souvent utilisés dans la littérature liée à la sophrologie ou la méditation. Pour autant, dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre, nous sommes nombreux à nous poser de multiples questions, à chercher le mode d'emploi, la recette. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour ce premier rendez-vous consacré au développement personnel sur Radio Fadjet. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi le nom de cette émission pour insister sur le fait que ce concept de l'instant présent est un concept clé pour se retrouver. N'est-ce pas, Dorothée ? Tout à fait, Jérôme. Lorsqu'on parle de vivre l'instant présent, c'est tout d'abord se permettre de se retrouver, c'est-à-dire passer en mode être et non plus faire. Alors, ça peut paraître simple et plein de bon sens, mais ça nécessite tout d'abord d'arrêter ce que l'on est en train de faire. Et ça, parfois, c'est difficile. Alors, s'arrêter ou ralentir et vivre avec un grand V l'instant, regarder ce qui nous entoure, et observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors Dorothée, on va prendre quelques minutes pour présenter donc ton parcours. N'est-ce pas justement cette volonté de vivre l'instant présent qui justifie ta reconversion professionnelle ? Ah, en quelque sorte, oui. Alors moi, je suis un peu tombée dans l'instant présent quand j'étais petite, parce que je garde un premier souvenir vraiment fabuleux avec le moment présent, que peut-être, chers auditeurs, vous avez aussi vécu. C'était aux alentours de mes 10 ans. Alors j'étais vraiment très souvent à jouer dehors, à découvrir. Et souvent, je restais allongée dans l'herbe, à observer le ciel, les nuages, à écouter ma respiration, ressentir un peu les sensations de mon corps. Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là que je me suis sentie comme sujet dans le monde. Et c'est une sensation très agréable. Alors bien sûr, par la suite, en grandissant, j'ai comme tout le monde suivi les injonctions. Et puis après avoir embrassé une carrière dans la finance pendant 15 ans, je suis revenue à l'essentiel, à mes valeurs intrinsèques, en remettant l'humain au centre de mes préoccupations et notamment dans ma vie professionnelle. Donc je me suis dirigée dans l'accompagnement de la personne et donc naturellement vers la sophrologie, qui est une merveilleuse thérapie psychocorporelle. Et aujourd'hui, exercer ce métier, ça me permet aussi de profiter pleinement de l'instant présent, d'être alignée. Et c'est un vrai bonheur et gratifiant de pouvoir transmettre cette valeur de l'instant aux personnes qui me consultent. C'est un beau parcours, Dorothée, avoir osé le changement pour être mieux dans l'instant présent. Alors nous allons donc proposer à nos auditeurs quelques pistes, quelques éléments de réflexion sur ce que signifie vivre l'instant présent et ce que cette démarche implique. Alors tout d'abord, pour vivre pleinement l'instant présent, encore faut-il accepter de vivre dans le présent, c'est-à-dire sans se raccrocher au passé, ni anticiper un futur hypothétique. Et j'aime ce proverbe chinois qui dit « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau ». C'est pour cela qu'on appelle présent. Alors Dorothée, si cette étape est essentielle pour évoluer personnellement, elle n'est pas évidente au départ. Et pourquoi ? Et oui, Jérôme, vivre dans le présent reste difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre esprit est sans cesse en train de produire des pensées. On estime à plus de 60 000 pensées par jour. Et souvent, c'est des pensées qui nous font un peu passer justement en pilote automatique. C'est-à-dire qu'elles vont prendre le contrôle de notre vie si on s'attache à ces pensées. Alors, elles peuvent nous emmener effectivement dans notre passé, à le ressasser, ou bien nous entraîner tout simplement à anticiper l'avenir. Et parfois même, on anticipe de façon négative, ce qui peut générer bien sûr du stress et de l'anxiété. Alors, il est prouvé en plus que notre cerveau réagit plus vivement à un stimulus négatif qu'à un stimulus positif de même intensité. Face à toute cette activité cérébrale, il est difficile d'être pleinement dans l'instant présent, parce que on ne peut pas s'arrêter de penser, c'est impossible. Et s'il est impossible de mettre sur stop nos pensées, par contre, nous avons le choix. Et ce choix, c'est de décider de suivre ses pensées, de s'y attacher, ou bien de simplement les laisser passer et de les accepter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de simples activités de notre esprit. Et c'est en s'affranchissant de ce choix et en s'efforçant à pratiquer qu'on parvient de plus en plus à être dans l'instant présent. Alors justement, savoir s'affranchir du passé sans anticiper les problèmes à venir n'est donc pas une chose naturelle. En fait, vivre l'instant présent suppose de prendre conscience de soi, de ce qui nous entoure. Et est-ce que c'est une préoccupation que tu rencontres souvent chez tes patients ? Oui, c'est une des préoccupations, effectivement. Alors bien souvent, les personnes qui consultent, notamment pour des troubles anxieux, sont des personnes qui anticipent beaucoup l'avenir et de façon plutôt négative. Alors ce qui les plonge bien sûr dans le système du stress et ce qui peut entraîner un épuisement physique et mental. Mais savez-vous, Jérôme, que notre cerveau est capable de changer et de s'adapter ? C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, le cerveau est un organe remarquablement malléable parce qu'il est possible de le reprogrammer, un peu comme un ordinateur. Alors, les neurosciences ont prouvé à travers de nombreuses études scientifiques que notre cerveau a la faculté de se modifier et de se réorganiser constamment, tout au long de la vie et au fil des expériences. La façon dont vous utilisez votre esprit change votre cerveau. Alors, vivre en pleine conscience et la pratiquer, ça vous aide à atteindre ce changement. Alors justement, Dorothée, pour éviter ces pensées négatives, comment casser cet engrenage, surtout que ces pensées négatives ne se réaliseront quasiment jamais, Dorothée ? Oui, effectivement. Alors, comment sortir de cercle vicieux ? Tout simplement en essayant d'être présent à soi, c'est-à-dire de se connecter à son corps, à ses sensations, à tout notre environnement qui nous entoure. Dans le concret, c'est quoi ? C'est par exemple se concentrer sur sa respiration, la prendre comme ancrage, se concentrer donc sur les sensations corporelles et ressentir tout ce qui nous entoure dans l'environnement, que ce soit à la fois physique, sonore, et puis aussi utiliser nos cinq sens pour s'y connecter. Alors, on peut atteindre cet état de flow, et chacun l'a en soi, en fait. Il suffit juste de savoir comment l'activer, comment l'atteindre à force de s'entraîner. Mais c'est assez simple et assez facile. C'est juste en se posant là où on est et en demeurant tel quel, en fait. C'est une sensation d'être pleinement connecté à soi. Alors oui, mais Dorothée, tu sais très bien que la vie n'est pas toujours rose. Alors justement, quand il nous arrive un moment difficile, une rupture sentimentale, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, on est obligé de passer par une étape difficile où passé et futur s'entremêlent quand même. Ah oui, bien sûr, la vie n'est pas rose, malheureusement. Et effectivement, quand on passe par une étape difficile, c'est justement ce qui est conseillé de faire. C'est-à-dire que il faut la vivre, en fait. Vivre cette étape, vivre ce moment désagréable, difficile. Parce que accepter de vivre les difficultés de notre quotidien, c'est aussi important. Parce que ça aide à passer ce moment. Si on refuse de les vivre, on va s'affliger une seconde souffrance. La première due à l'événement vécu et la seconde, d'aller à l'encontre, de la fuir. Donc la pleine conscience vous aide également aussi à traverser des expériences de vie désagréables. Alors justement, Dorothée, être en pleine conscience, vous allez proposer donc à nos auditeurs dans quelques instants un exercice en direct pour prendre contact avec l'instant présent. Donc je conseille à nos auditeurs donc de rester avec nous. Alors on va faire donc justement une pause musicale en écoutant donc justement des chansons qui parlent de l'instant présent. Et Dorothée, quel a été votre premier choix ? Yannick Noah, La vie. Maintenant. Eh bien justement, une belle chanson de circonstance. On écoute justement Yannick Noah, La vie, c'est maintenant. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh, tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais si tu fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. Ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. C'est aussi ça, hausse la voix, hausse la voix. Mais si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. Voilà, c'était C'est la vie, c'est maintenant, une chanson de Yannick Noah. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et c'est une nouvelle émission sur Radio Fadjet, l'instant présent. En effet, deuxième partie de ce rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, l'occasion d'aborder le développement personnel sous la forme de conseils pratiques pour nos auditeurs. Alors dans la première partie, on a évoqué l'importance de ne pas vouloir toujours tout programmer, contrôler, afin d'apprendre à se poser pour soi et apprécier tout ce qui nous entoure. Alors donc justement, Dorothée, pour vivre cet instant présent, est-ce qu'il existe des exercices pratiques à mener ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs exercices qui sont abordables à tout le monde et que l'on peut pratiquer eh bien, un peu n'importe où. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut pratiquer juste avec ce qu'on a sur soi, la respiration, les sensations corporelles et nos cinq sens. Eh bien, donc, très bien, donc, passons maintenant à la partie pratique. Dorothée, quel exercice peux-tu nous proposer ? On va tenter ensemble un exercice d'attention sur sa respiration juste naturelle, d'accord ? Donc, ce que je propose aux auditeurs et aussi à vous, Jérôme, c'est bien de se mettre, si possible, dans un endroit où vous savez que vous allez être plutôt calme ou alors d'ajuster votre position là ou d'arrêter déjà ce que vous êtes en train de faire en nous écoutant et de se poser quelques instants en position assise. Alors, prenez la position qui vous va bien, soit vous mettez les pieds au sol, soit vous vous mettez en tailleur, peu importe. Et puis, on va tranquillement ajuster sa position. On va laisser les bras et les mains se déposer naturellement sur nos cuisses. On va garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et puis, vous allez fermer les yeux, tout simplement. Vous allez ressentir la façon dont vous êtes installé, en ressentant les différents points de contact de votre corps. Et ensuite, tranquillement, vous allez diriger votre attention vers votre respiration. Ressentez l'air qui circule au bord de vos narines. À chaque inspiration et expiration, vous pouvez tout d'abord porter attention à l'air qui circule dans votre narine gauche. Ressentir la différence de température entre l'air inspiré plutôt frais et l'air expiré plutôt tiède. Puis portez attention au passage de l'air dans votre narine droite. L'inspiration, l'expiration. Percevez la différence de température d'un air plutôt frais à l'inspire et plutôt tiède à l'expire. Concentrez-vous maintenant sur le passage de l'air au bord de vos deux narines. Et si des pensées apparaissent, notez juste ces mouvements de votre esprit sans vous y attacher et ramenez votre attention sur votre souffle. Instant après instant, autant de fois que nécessaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même étendre votre attention dans un endroit où le passage de l'air est plus net, c'est-à-dire au niveau de votre poitrine qui se soulève et s'abaisse, ou au niveau de votre abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Et si à nouveau votre esprit bavarde, dès lors que vous en prenez conscience, notez juste les mouvements de votre esprit et ramenez votre attention sur votre souffle. Ressentez votre présence dans l'instant présent, ici et maintenant. Stable et ancré. Et ensuite, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux et reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Très bien, Dorothée, ça fait du bien, effectivement, de savoir se poser quelques instants. Et justement, l'instant présent, cette nouvelle émission, c'est l'occasion de vous proposer chaque mois quelques exercices. Alors, tu as parlé de respiration. Il semblerait que cette respiration elle soit importante. Et justement, on a tendance à mal respirer. Oui, tout à fait, Jérôme. En fait, la respiration, là, c'était le déroulement d'une respiration naturelle. Mais effectivement, on a tendance à respirer de façon plutôt courte et uniquement avec le thorax. Voilà. Donc effectivement, il y a une autre respiration qu'on utilise beaucoup en sophrologie, respiration abdominale, également en cohérence cardiaque. Et où là, on va s'attacher à respirer avec les trois étages, c'est-à-dire à la fois au niveau de nos clavicules, thorax et au niveau de notre ventre. Et l'avantage, c'est que grâce à cette respiration, on va pouvoir activer notre diaphragme abdominal et qui va nous permettre aussi de rentrer dans un système de détente. Alors concrètement, lorsqu'on inspire, est-ce que le ventre doit se gonfler? Je ne sais jamais. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va... c'est très naturel, oui et non. C'est-à-dire que la première fois où l'on essaie, c'est un peu compliqué. On sent que ça demande un effort, mais en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça ne doit donner aucun effort au niveau du corps, c'est-à-dire que j'allonge uniquement mon inspiration sur 4 secondes, donc par le nez, et j'essaie d'envoyer l'air dans le ventre, donc le ventre se gonfle, et ensuite, je vais souffler par la bouche en imaginant souffler dans une paille de façon longue et régulière. Voilà, donc c'est vraiment, j'allonge mon temps d'inspiration et mon temps d'expiration. Alors, Dorothée, est-ce que vous avez d'autres conseils pratiques à donner à nos auditeurs, justement, pour vivre cet instant présent? Bien sûr. Alors, il y a la pratique, là, comme on vient de le faire. On va dire on prend vraiment un temps pour soi. Et c'est assez agréable. Et ça permet, vous avez vu, en quelques instants, de se recentrer, hein, notamment quand on peut être confus ou qu'on a trop de choses prioritaires en tête ou trop de pensées. Voilà, ça permet de se recentrer, de se concentrer pleinement. Et puis, il y a tous les gestes qu'on peut faire aussi dans sa vie quotidienne, en fait, dans tous les actes que l'on fait tous les jours. Alors déjà, ça peut être premièrement d'essayer d'effectuer les gestes du quotidien plus lentement que d'habitude, c'est-à-dire ne pas bâcler son repas, prendre le temps de manger, de prendre le temps aussi de savourer un café ou un thé si on s'accorde un petit moment de pause dans la journée, voilà, d'être pleinement présent à son café et son thé et pas en même temps sur son téléphone ou en train de faire autre chose, de marcher d'un pas un peu plus tranquille et ralenti, voilà, dans tous ces temps de transition, quand on va de notre bureau à la voiture, voilà, quand on doit se déplacer, de terminer aussi une tâche avant d'en commencer une autre. Voilà, d'observer aussi la nature autour de nous. Je ne sais pas qui a porté attention à la couleur du ciel aujourd'hui ou est-ce qu'on fait attention aux détails. Peut-être que le matin, vous faites un trajet pour aller au travail et vous le faites plusieurs fois dans la semaine et jamais vous n'avez porté attention à un détail, de regarder les couleurs de la végétation, porter attention au son, voilà, de sentir les parfums, etc. Voilà. Oui, je vais tenter de mettre en application dès la fin de cette émission tous des conseils. Et puis si on retrouvait aussi notre âme d'enfant, parce que j'ai constaté que les enfants vivent pleinement dans l'instant présent, ils ne se posent pas de questions. Alors peut-être qu'il faudrait-il s'en inspirer, Dorothée. Alors oui, tout à fait. Parfaitement. L'enfance, bien sûr, est associée à l'insouciance. Et l'insouciance, bah, c'est une intelligence intuitive, c'est-à-dire celle de vivre intensément l'instant présent. Les enfants disposent de qualités spontanées, hein, de pleine conscience. Ils portent attention, ils remarquent le moindre détail et surtout, ils s'émerveillent. Alors Jérôme et chers auditeurs, rappelez-vous, vous avez bien un souvenir d'enfance durant lequel vous vous êtes senti pleinement présent, connecté à vos sensations. Ça a pu être sentir un parfum, se balader à vélo, sentir son souffle à l'effort, savourer des bonbons, un chocolat chaud ou encore faire des ricochets. C'est un exercice eh bien, auquel, malheureusement, en devenant adulte et avec le poids des responsabilités, nous avons oublié l'émerveillement, trop préoccupés par nos pensées sérieuses. Alors, fort heureusement, nous pouvons apprendre à cultiver ce merveilleux capital une fois devenu adulte. Vous avez raison, Dorothée. Soyons un peu moins sérieux pour vivre davantage donc l'instant présent. Alors avant de terminer cette émission et de parler référence de lecture sur le thème de l'instant présent, on va passer à notre deuxième pause musicale. Alors quel a été votre second choix, Dorothée ? Eh bien, Mistral gagnant de Renaud. Eh bien, on retrouve tout de suite cette deuxième chanson qui parle justement de l'instant présent. Voici Renaud, Mistral gagnant. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Voilà, c'était Renaud Mistral gagnant. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous êtes donc en train d'écouter la nouvelle émission de Radio Fadjet, l'instant présent. Et pour animer donc cette émission, j'ai donc effectivement une invitée, donc Dorothée, donc la croix sophrologue. Alors justement, Dorothée, pour terminer cette émission sur l'instant présent, est-ce qu'on peut donc citer quelques références d'ouvrages pour prolonger cet entretien ? Oui, bien sûr, Jérôme. Alors, c'est des ouvrages, vraiment, ça va être des lectures. Hein. C'est pas forcément des ouvrages sur le développement personnel. Moi, j'ai beaucoup aimé « La consolation de l'ange » de Frédéric Lenoir. C'est une rencontre entre un jeune adulte totalement perdu, déprimé et une dame âgée qui va lui enseigner la valeur d'un instant. Il n'avait vraiment rien hein, pour se rencontrer et pourtant. Donc j'aime beaucoup ce récit plein d'optimisme et qui en même temps recentre aussi le débat sur la place des personnes âgées dans nos sociétés occidentales parce qu'elles ont tellement à nous apprendre en termes de sagesse. Ensuite, Le Petit Prince parce que c'est un roman que j'aime beaucoup, que j'ai lu plusieurs fois. Et qui s'est, le petit prince s'émerveille toujours face à ses adultes. Lui, il continue à s'émerveiller, à découvrir, même s'il rencontre des adultes sur différentes planètes, tous préoccupés à faire des choses sans vraiment vivre. Donc, je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie. On peut y entendre tout ce qu'on veut dans Le Petit Prince. Il résonne différemment en chacun de nous. Et puis « Tout le bleu du ciel » de Mélissa d'Acosta, qui est un très beau récit et qui montre l'importance de la pleine conscience lorsque l'on vit des événements très difficiles. Alors justement, le thème de cet ouvrage m'intéresse beaucoup et donc je suis en train effectivement de lire ce livre. Et Mélissa d'Acosta, je crois, Dorothée, est également sophrologue. Exactement. Donc comme quoi la sophrologie peut mener à la littérature. En effet. Voilà, donc ainsi se termine donc ce nouveau numéro donc de l'instant présent. Alors si je devais conclure, Dorothée, donc je pense que l'on pourrait conseiller à nos auditeurs de changer leur rapport au temps, de se poser, d'opter donc pour ce qu'on appelle la slow life, pour revenir aux choses essentielles, loin de la pression du quotidien, de réserver chaque jour un moment de calme. Oui, c'est un très bon résumé. Et moi, je conclurai en citant Eckhart Tolle, qui est un écrivain et conférencier, qui définit très bien l'instant présent et qui est un petit mantra qui ne me quitte jamais. Réalise intensément que l'instant présent est tout ce que tu possèdes. Très bien, très bonne conclusion Dorothée. Merci de m'avoir accompagné donc, pour ce premier rendez-vous de l'instant présent. Merci Jérôme. En espérant de te retrouver donc, tous les mois sur les antennes de Radio Fadjet. Avec plaisir. N'hésitez pas donc à faire part de vos remarques sur la page Facebook de Fadjet et de nous faire part des thèmes que vous souhaitez donc aborder ces prochains mois. Et bien d'ici là, donc, n'oubliez pas de rester donc, fidèles à Radio Fadjet et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'instant présent.